بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم ندخل في الدرس الثاني. Deuxième cours. Dans le cours précédent, nous avons pris deux questions. En premier lieu, nous avons pris ce qui touche au narratif de la religion, les étapes, ou plutôt on va dire les niveaux de la religion. Et on a pris les quatre masa'il qui nous sont obligatoires d'apprendre, celles qui sont enseignées en Usul Salasa au début. Après, il continue l'auteur, toujours en se profitant de Usul Salasa. قال ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم معرفتها. Quels sont les trois fondements qu'il incombe aux musulmans de connaître? Il est obligé de les connaître. قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام يعني بالأدلة وهي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره. Donc il a dit c'est le fait de connaître Allah, de connaître son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître l'islam. Et là, il n'a pas cité ce que dit l'auteur de base, de connaître l'islam par ses preuves. Et ces trois questions-là sont les trois questions qui seront posées à chaque individu dans sa tombe, qu'il soit un musulman ou qu'il soit un kafir. Et les seuls qui pourront échapper à ces questions-là, ce sont les prophètes, ce sont les shuhada, les martyrs, les siddiqoun, les véridiques. Eux n'auront pas ce qu'on appelle fitnat al-qabr, qui est l'épreuve de la tombe. Qui sont ces trois questions-là? Et c'est quoi la preuve de ces questions-là? Qala wa dalilu hadith al-Barra ibn Azib. Al-Barra ibn Azib. Fi hadith tawil, dans un long hadith, il cite juste le shahid, c'est-à-dire l'extrait qui nous concerne, la partie qui nous intéresse. Fa ya'tihi malakan fa yujsanihi. فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ces deux anges assis l'homme dans sa tombe et lui disent, d'accord, qui sont Munkar et Nakir, deux anges bleus et noirs, ils lui disent qui est ton seigneur. Il dira, là c'est le croyant qui répond, mon seigneur est Allah. Ils lui diront, quelle est ta religion? Il dira, ma religion est l'islam. Ils lui diront, qui est cet homme qui vous a été envoyé? Il dira, c'est le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Mohammed. Et là, des fois, des gens posent une question, ils disent, si jamais tout le monde est interrogé par ces trois questions-là dans la tombe, qu'en est-il des communautés antécédentes? Et de là, certains ulama, ils ont dit tout simplement que chaque communauté sera interrogée par rapport à son prophète. La même question, qui est ton messager, plutôt qui est ton seigneur, cela c'est unanime. Quelle est ta religion? Tous les croyants étaient musulmans, comme cela est dans le Coran. D'accord? De Adam jusqu'à la fin des temps, la seule religion auprès de Allah Azza wa Jalla, c'est l'islam. C'était tous des musulmans. Donc là, il n'y a pas de souci. Et troisième, la question par rapport au prophète, ils disent que chaque communauté sera interrogée pour le prophète qui leur a été envoyé. Wallahu ta'ala alam. Bien qu'on n'ait pas de dalil clair qui le cite, mais ils l'ont déduit. ثم قال في السؤال الرابع من ربك. Donc maintenant le tafsil, le détail. Qui est ton seigneur? قال ربي الله. Mon seigneur c'est Allah. قال تعالى الحمد لله رب العالمين. Dans le Coran, là dans le sens sourate al-Fatiha, louange à Allah, seigneur des mondes. وقوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وورب كل شيء. Il dit vais-je donc prendre un autre seigneur que Allah, alors qu'il est le seigneur de toutes choses. Al-An'am, le bestiau, verset 174. Donc les versets sont très nombreux, et ça c'est une chose qui est une masala qui est connue auprès de vous tous, ou alhamdulillah rabbil alamin. Mais un muslim qui te dit, man rabbuk, qui dit je ne le sais pas, c'est gravissime. C'est gravissime. Cela prouve qu'il n'est pas muslim. Car le muslim connaît son seigneur. Et même les kuffars, ce qu'on appelle seigneur dans l'ububiyya, les kuffars également le reconnaissent. À part certains qui se disent athées. قال السؤال الخامس من نبيك. Qui est ton prophète? الجواب نبي محمد. Mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça également. Le musulman ne peut l'ignorer cela. Il ne peut pas dire je suis musulman et il ne connaît pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il n'est pas musulman. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله wa khatam an-nabiyyin, que Mohammed n'était pas le père de l'un d'entre vous, plutôt le père de l'un de vos hommes, mais cependant le messager d'Allah est le sceau des prophètes. Al-Ahzab, le Coalisé, verset 40. Donc le verset en lui-même, il est clair. Et des versets que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah, c'est une chose qui ne se cite même plus, tant cela est connu. Naam. Et même les koufars le savent, que le prophète de l'islam, c'est Mohammed. قال في السؤال السادس ما دينك؟ Quelle est ta religion? قال ديني الإسلام. Ma religion, c'est l'islam. L'islam qui veut dire, en traduction en français, qui se traduirait par soumission. Et cela viendra par la suite, Inch'Allah, la définition de l'islam. C'est quoi la preuve? والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Que certes, la religion près d'Allah, c'est l'islam. Ma'aruf. Ali Imran, verset 19. C'est la seule religion auprès d'Allah qui soit acceptée et agréée. Soual al-Sabi'a, septième question. Man khalaqaka, qui t'a créé? Qala Allahu khalaqani wa khalaqa jami'a al-makhluqat, que Allah m'a créé, il a créé toutes les créatures. Et ça également, c'est une chose qui est unanime chez les humains, hormis ce groupe marginal sans valeur que sont les athées. Et même au fond d'eux, ils le reconnaissent. Mais, comme on le dit souvent, c'est par orgueil. Pour pouvoir se dire, je suis libre. Quoi qu'il en soit, la chose, on est né sur une fitra, sur une nature première, qui fasse que chaque être humain connaît son Seigneur. Et que c'est Allah Azza wa Jal. Donc la preuve en cela, c'est Allahu khaliqu kulli shay'in, que Allah est le créateur de toutes choses. Toutes choses. C'est-à-dire toutes choses qui sont créées. Az-Zumar, verset 62. Car déjà, prend ce verset-là pour dire que Allah donc a créé le Coran. En disant le Coran n'est pas créé. Donc là, kullu shay'in, toute chose, c'est un sous-entendu de toute chose qui soit créée. Car même toute chose, chose, Allah est une chose. Comme dans le Coran, c'est venu. Kul ayushin akbaru shahada, kulillah. Quelle chose est de plus grande attestation? Dit c'est Allah. Allah est une chose. Comme il l'a dit lui-même de lui-même dans son livre. Cependant, ce qu'il est créé, sûrement pas. Allah est le créateur. Non, donc ça pour pouvoir répondre à ceux qui pourraient vouloir mettre des ambiguïtés aux musulmans en disant si Allah a créé toute chose et que Allah est une chose, alors qui est-ce qu'il a créé? Et cela, bien évidemment, c'est de la mécréance. Et ceux qui auraient cela comme moi, ça, oui, comme insufflation, d'accord, qu'ils cessent cela et ne continuent pas à penser ce genre de pensée. Quand Allah fait souhait, elle sait bien. Obel, elle fait amin. Afamin. Limaza khalaqana Allah. Pourquoi Allah nous a créés? Question que, wallah, la plupart des gens ne connaissent pas. Pourquoi Allah nous a créés? Al-Jawad, khalaqana li'ibadati. Il nous a créés pour son adoration. Et la preuve en cela, qawluhu ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinn wal-insa illa liya'budun. Dans le Coran, elle dit clairement, je ne crée les djinns ainsi que les hommes que pour qu'ils m'adorent. Az-Zariyat, verset 56. Tu peux aller voir la plupart des musulmans leur demander pourquoi avez-vous été créés, beaucoup n'arriveront pas à répondre. Tu peux aller voir des chrétiens pour leur demander pourquoi Allah vous a créés, ils vont dire pour faire du bien. Mais pour l'adorer, ils ne sauront pas te répondre. Tu peux aller demander à des juifs pourquoi Allah t'a créé, ils ne sauront pas te répondre. Tu peux aller demander à des gens qui ne s'apportent à aucune religion mais qui croient en leur créateur pourquoi tu crées, ils ne sauront pas te répondre. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont perdus, ils ne savent pas pourquoi ils ont été créés. Tout simplement. Le muslim, alim, quand même, allazi, hamdoulillah, bassarahu Allah, bil tafakkur bi kitabihi, celui à qui Allah a mis la clairvoyance de comprendre son livre, il pourra répondre automatiquement. Et l'enfant qui apprend cela, automatiquement, tu lui dis pourquoi Allah t'a créé, il dit pour que je l'adore. Et ça, c'est parmi la aqida qu'on doit avoir, la croyance qu'on doit avoir. Naam. Donc là, on va finir aujourd'hui par ces questions-là, quand même. Voilà, que t'as fait bien dans le cadre. Walhamdulillah Rabbil Alameen.